Bonjour, tu as scanné le QR code, tu vas donc écouter l'histoire de l'incroyable Noël de Flagadel et Pikaouët. À chaque fois que tu entendras cette cloche, il te faudra tourner la page. Les personnages. Flagadel est une gentille fée musicienne qui vit au pays des miracles, où elle a déjà vécu une aventure dans la partition magique. Pikaouët est le meilleur ami de Flagadel. C'est un ver de terre tout vert et rigolo. Il est facétieux, gentil, un peu naïf, mais toujours optimiste. Il aime parler au lecteur. Parfois, il se dispute avec Trompette. Trompette, justement, est le petit frère de Flagadel. Il s'appelle Trompette parce que lorsqu'il était plus jeune, il ne savait pas parler et s'exprimait en soufflant dans sa trompette. Alan Pop est un étrange personnage. On ne sait pas vraiment si c'est un gentil ou un méchant. C'est lui qui conduit Flagadel et Trompette au pays du Père Noël. Son nom recèle un secret. Le bonhomme de neige, le vrai, le seul, l'unique, celui qui vit dans les grands froids pour ne jamais fondre de chaleur. Le Père Noël, est-ce bien utile de vous le présenter?